Eugénie Grandet, Honoré de Balzac. Ceci est un enregistrement de Christophe pour Audiocité. Eugénie Grandet, huitième partie. En toute situation, les femmes ont plus de causes de douleur que n'en a l'homme et souffrent plus que lui. L'homme a sa force et l'exercice de sa puissance. Il agit, il va, il s'occupe, il pense, il embrasse l'avenir et y trouve des consolations. Ainsi faisait Charles. Mais la femme demeure, elle reste face à face avec le chagrin dont rien ne la distrait, elle descend jusqu'au fond de l'abîme qu'il a ouvert, le mesure et souvent le comble de ses vœux et de ses larmes. Ainsi faisait Eugénie. Elle s'initiait à sa destinée. Sentir, aimer, souffrir, se dévouer sera toujours le texte de la vie des femmes. Eugénie devait être toute la femme, moins ce qui la console. Son bonheur, amassé comme les clous semés sur la muraille suivant la sublime expression de Bossuet, ne devait pas un jour lui remplir le creux de la main. Les chagrins ne se font jamais attendre, et pour elle, ils arrivèrent bientôt. Le lendemain du départ de Charles, la maison Grandet reprit sa physionomie pour tout le monde, excepté pour Eugénie, qui la trouva tout à coup bien vide. À l'insu de son père, elle voulait que la chambre de Charles restât dans l'état où il l'avait laissée. Madame Grandet et Nanon furent volontiers complices de ce statu quo. « Qui sait s'il ne reviendra pas plus tôt que nous le croyons ? » dit-elle. « Ah, je le voudrais voir ici, » répondit Nanon. « Je m'accoutumais ben à lui. » Et c'était un bain doux, un bain parfait, monsieur, quasiment joli, moutonné comme une fille. » Eugénie regarda Nanon. « Sainte Vierge, mademoiselle, vous avez les yeux à la perdition de votre âme. Ne regardez donc pas le monde comme ça. » Depuis ce jour, la beauté de mademoiselle Grandet prit un nouveau caractère. Les graves pensées d'amour par lesquelles son âme était lentement envahie, la dignité de la femme aimée donnèrent à ses traits cette espèce d'éclat que les peintres figurent par l'auréole. Avant la venue de son cousin, Eugénie pouvait être comparée à la Vierge avant la conception. Quand il fut parti, elle ressemblait à la Vierge Mère. Elle avait conçu l'amour. Ces deux maris, si différentes et si bien représentées par quelques peintres espagnols, constituent l'une des plus brillantes figures qui abondent dans le christianisme. En revenant de la messe, où elle alla le lendemain du départ de Charles, et où elle avait fait vœu d'aller tous les jours, elle prit, chez le libraire de la ville, une map-monde qu'elle cloua près de son miroir afin de suivre son cousin dans sa route vers les Indes, afin de pouvoir se mettre un peu, soir et matin, dans le vaisseau qui l'y transportait, de le voir, de lui adresser 1000 questions, de lui dire « Es-tu bien ? Ne souffres-tu pas ? Penses-tu bien à moi en voyant cette étoile dont tu m'as appris à connaître les beautés de et l'usage ?» Puis, le matin, elle restait pensive, sous le noyer, assise sur le banc de bois rongé par les vers et garni de mousse grise, où ils s'étaient dit tant de bonnes choses, de niaiseries, où ils avaient bâti les châteaux en Espagne de leur joli ménage. Elle pensait à l'avenir en regardant le ciel par le petit espace que les murs lui permettaient d'embrasser, puis le vieux pan de muraille et le toit sous lequel était la chambre de Charles. Enfin ce fut l'amour solitaire, l'amour vrai qui persiste, qui se glisse dans toutes les pensées et devient la substance ou, comme eussent dit nos pères, l'étoffe de la vie. Quand les soi-disant amis du père Grandet venaient faire la partie le soir, elle était gaie, elle dissimulait. Mais, pendant toute la matinée, elle causait de Charles avec sa mère et Nanon. Nanon avait compris qu'elle pouvait compatir aux souffrances de sa jeune maîtresse sans manquer à ses devoirs envers son vieux patron. Elle qui disait à Eugénie « Si j'avais eu un homme à moi, je l'aurais suivi dans l'enfer. Je l'aurais... quoi... enfin, j'aurais voulu m'exterminer pour lui. Mais rien, je mourrais sans savoir ce que c'est que la vie. Croiriez-vous, mademoiselle, que ce vieux cornoyer, qui est un bonhomme tout de même, tourne autour de ma jupe, rapport à mes rentes, tout comme ceux qui viennent ici flairer le magot de monsieur en vous faisant la cour. Je vois ça parce que je suis encore fine, quoique je sois grosse comme une tour. Eh bien, mamselle, ça me fait plaisir, quoique ça ne soit pas de l'amour. » 2 mois se passèrent ainsi. Cette vie domestique, jadis si monotone, s'était animée par l'immense intérêt du secret qui liait plus intimement ces 3 femmes. Pour elles, sous les planchers grisâtres de cette salle, Charles vivait, allait, venait encore. Soir et matin, Eugénie ouvrait la toilette et contemplait le portrait de sa tante. Un dimanche matin, elle fut surprise par sa mère au moment où elle était occupée à chercher les traits de Charles dans ceux du portrait. Madame Grandet fut alors initiée au terrible secret de l'échange fait par le voyageur contre le trésor d'Eugénie. « Tu lui as tout donné ?» dit la mère épouvantée. « Que diras-tu donc à ton père au jour de l'an, quand il voudra voir ton or ?» Les yeux d'Eugénie devinrent fixes, et ces 2 femmes demeurèrent dans un effroi mortel pendant la moitié de la matinée. Elles furent assez troublées pour manquer la grand-messe et n'allèrent qu'à la messe militaire. Dans 3 jours, l'année 1819 finissait. Dans 3 jours devait commencer une terrible action, une tragédie bourgeoise sans poison, ni poignard, ni sang répandu, mais, relativement aux acteurs, plus cruel que tous les drames accomplis dans l'illustre famille des Atrides. Qu'allons-nous devenir ? Dit Madame Grandet à sa fille en laissant son tricot sur ses genoux. La pauvre mère subissait de tels troubles depuis 2 mois que les manches de laine dont elle avait besoin pour son hiver n'étaient pas encore finies. Ce fait domestique minime en apparence eut de tristes résultats pour elle. Faute de manches, le froid la saisit d'une façon fâcheuse au milieu d'une sueur causée par une épouvantable colère de son mari. « Je pensais, ma pauvre enfant, que, si tu m'avais confié ton secret, nous aurions eu le temps d'écrire à Paris à Monsieur des Grassins. Il aurait pu nous envoyer des pièces d'or semblables aux tiennes. Et, quoique Grandet les connaisse bien, peut-être... Mais où donc aurions-nous pris tant d'argent ? J'aurais engagé mes propres. D'ailleurs, Monsieur des Grassins nous eut bien... Il n'est plus temps, » répondit Eugénie d'une voix sourde et altérée en interrompant sa mère. « Demain matin, ne devons-nous pas aller lui souhaiter la bonne année dans sa chambre ?»« Mais, ma fille, pourquoi n'irais-je donc pas voir les Cruchot ?»« Non, non, ce serait me livrer à eux et nous mettre sous leur dépendance. D'ailleurs, j'ai pris mon parti. J'ai bien fait, je ne me repens de rien. Dieu me protégera, que sa sainte volonté se fasse. Ah, si vous aviez vu sa lettre, vous n'auriez pensé qu'à lui, ma mère. » Le lendemain matin, 1er janvier 1820, la terreur flagrante à laquelle la mère et la fille étaient en proie leur suggéra la plus naturelle des excuses pour ne pas venir solennellement dans la chambre de Grandet. L'hiver de 1819 à 1820 fut un des plus rigoureux de l'époque. La neige encombrait les toits. Madame Grandet dit à son mari, dès qu'elle l'entendit se remuant dans sa chambre, « Grandet, fais donc allumer par Nanon un peu de feu chez moi. Le froid est si vif que je gèle sous ma couverture. Je suis arrivée à un âge où j'ai besoin de ménagement. D'ailleurs, » reprit-elle après une légère pause, « Eugénie viendra s'habiller là. Cette pauvre fille pourrait gagner une maladie à faire sa toilette chez elle par un temps pareil. Puis nous irons te souhaiter le bon an près du feu dans la salle. » Ta ta ta, quelle langue, comme tu commences l'année, Madame Grandet. Tu n'as jamais tant parlé. Cependant, tu n'as pas mangé de pain trempé dans le vin, je pense. » Il y eut un moment de silence. Eh bien, reprit le bonhomme, que sans doute la proposition de sa femme arrangeait, je vais faire ce que vous voulez, Madame Grandet. Tu es vraiment une bonne femme, et je ne veux pas qu'il t'arrive malheur à l'échéance de ton âge. Quoique, en général, les Labertelières soient faits de vieux ciment. Hein ? Pas vrai ? Cria-t-il après une pause. Enfin, nous en avons hérité, je leur pardonne. Et il toussa. « Vous êtes gai ce matin, monsieur, » dit gravement la pauvre femme. « Toujours gai, moi. Gai, gai, gai le tonnelier, raccommodez votre cuvier, » ajouta-t-il en entrant chez sa femme tout habillé. « Oui, nom d'un petit bonhomme, il fait solidement froid tout de même. Nous déjeunerons bien, ma femme. Desgrassins m'a envoyé un pâté de foie gras truffé. Je vais aller le chercher à la diligence. Il doit y avoir joint un double Napoléon pour Eugénie, » vint lui dire le tonnelier à l'oreille. « Je n'ai plus d'or, ma femme. J'avais bien encore quelques vieilles pièces. Je puis te dire cela à toi. Mais il a fallu lâcher pour les affaires. » Et pour célébrer le premier jour de l'an, il l'embrassa sur le front. « Eugénie, cria la bonne mère, je ne sais pas sur quel côté ton père a dormi, mais il est bon homme ce matin. Bah, nous nous en tirerons. Quoi qu'il a donc, notre maître, dit Nanon en entrant chez sa maîtresse pour y allumer du feu. D'abord, il m'a dit bonjour, bon an, grosse bête, va faire du feu chez ma femme, elle a froid. Et j'étais sotte quand je l'ai vu me tendant la main pour me donner un écu de 6 francs qui n'est quasiment point rogné du tout. Tenez, madame, regardez-le donc. Oh, le brave homme, c'est un digne homme, tout de même. Il y en a qui, puis deviennent vieux, puis durcissent. Mais lui, il se fait doux comme votre cassis et il rabonnit. C'est un bain parfait, un bain bonhomme. Le secret de cette joie était dans une entière réussite de la spéculation de Grandet. Monsieur des Grassins, après avoir déduit les sommes que lui devait le tonnelier pour l'escompte de 150 000 francs d'effets hollandais et pour le surplus qu'il lui avait avancé afin de compléter l'argent nécessaire à l'achat des 100 000 livres de rente, lui envoyait par la diligence 30 000 francs en écus, restant sur le semestre de ses intérêts, et lui avait annoncé la hausse des fonds publics. Ils étaient alors à 89. Les plus célèbres capitalistes en achetaient, fin janvier, à 92. Grandet gagnait, depuis 2 mois, 12% sur ses capitaux, il avait apuré ses comptes et allait désormais toucher 50 000 francs tous les 6 mois sans avoir à payer ni imposition ni réparation. Il concevait enfin la rente, placement pour lequel les gens de province manifestent une répugnance invincible, et il se voyait, avant 5 ans, maître d'un capital de 6 millions, grossi sans beaucoup de soins, et qui, joint à la valeur territoriale de ses propriétés, composerait une fortune colossale. Les 6 francs donnés à Nanon étaient peut-être le solde d'un immense service que la servante avait rendu à son insu à son maître. Oh oh ! Où va donc le père Grandet qu'il court dès le matin comme au feu ? Se dirent les marchands occupés à ouvrir leur boutique. Puis, quand ils le virent revenant du quai suivi d'un facteur des messageries transportant sur une brouette des sacs pleins, « L'eau va toujours à la rivière, le bonhomme allait à ses écus, » disait l'un. « Il lui en vient de Paris, de Froidfond, de Hollande, » disait un autre. « Il finira par acheter Saumur, » s'écriait un troisième. « Il se moque du froid, il est toujours à son affaire, » disait une femme à son mari. « Hé, monsieur Grandet, si ça vous gênait, » lui dit un marchand de draps, son plus proche voisin, « je vous en débarrasserai. » « Ouais, ce sont des sous, » répondit le vigneron. « D'argent, » dit le facteur à voix basse. « Si tu veux que je te soigne, mets une bride à ta de margoulette, » dit le vieux bonhomme au facteur en ouvrant sa porte. « Ah, le vieux renard, je le croyais sourd, » pensa le facteur. « Il paraît que, quand il fait froid, il entend. Voilà 20 sous pour tes étrennes. » Et Motus, détale, lui dit Grandet. Nanon te rapportera ta brouette. Nanon, les linottes sont-elles à la messe? Oui, monsieur. Allons, haut la patte, à l'ouvrage, cria-t-il en la chargeant de sacs. En un moment, les écus furent transportés dans sa chambre où il s'enferma. Quand le déjeuner sera prêt, tu me cogneras au mur. Reporte la brouette aux messageries. » La famille ne déjeuna qu'à 10 heures. « Ici, ton père ne demandera pas à voir ton or, » dit Madame Grandet à sa fille en rentrant de la messe. « D'ailleurs, tu feras la frileuse, puis nous aurons le temps de remplir ton trésor pour le jour de ta naissance. » Grandet descendait l'escalier en pensant à métamorphoser promptement ses écus parisiens en bon or et à son admirable spéculation des rentes sur l'État. Il était décidé à placer ainsi ses revenus jusqu'à ce que la rente atteignît le taux de 100 francs. Méditation funeste à Eugénie. Aussitôt qu'il entra, les deux femmes lui souhaitèrent la bonne année. Sa fille en lui sautant au cou et le câlinant, Madame Grandet, gravement et avec dignité. « Ah ah, mon enfant, » dit-il en baisant sa fille sur les deux joues, « je travaille pour toi, vois-tu, je veux ton bonheur. Il faut de l'argent pour être heureux. Sans argent, bernique. Tiens, voilà un Napoléon tout neuf, je l'ai fait venir de Paris. Nom d'un petit bonhomme, il n'y a pas un grain d'or ici. Il n'y a que toi qui as de l'or. Montre-moi ton or, fifille. » « Bah, il fait trop froid, déjeunons, » lui répondit Eugénie. « Eh bien, après, hein ? Ça nous aidera tous à digérer. « Ce gros dégrassin, il nous a envoyé ça tout de même, » reprit-il. « Ainsi, mangez, mes enfants, ça ne nous coûte rien. Il va bien, dégrassin, je suis content de lui. » Le merluchon rend service à Charles et gratis encore. Il arrange très bien les affaires de ce pauvre défunt Grandet. « fit-il la bouche pleine, après une pause. « Cela est bon. « Mange-en donc, ma femme, ça nourrit au moins pour 2 jours. »« Je n'ai pas faim, je suis toute malingre, tu le sais bien. »« Ah ouin, tu peux te bourrer sans crainte de faire crever ton coffre. »« Tu es une labertelière, une femme solide. »« Tu es bien un petit brin jaunette, mais j'aime le jaune. » L'attente d'une mort ignominieuse et publique est moins horrible peut-être pour un condamné que ne l'était pour Madame Grandet et pour sa fille l'attente des événements qui devaient terminer ce déjeuner de famille. Plus gaiement parlait et mangeait le vieux vigneron, plus le cœur de ces deux femmes se serrait. La fille avait néanmoins un appui dans cette conjoncture. Elle puisait de la force en son amour. « pour lui, se disait-elle, je souffrirai 1000 morts. » À cette pensée, elle jetait à sa mère des regards flamboyants de courage. « Ôte tout cela !» dit Grandet à Nanon quand, vers 11 heures, le déjeuner fut achevé. « Mais laisse-nous la table. Nous serons plus à l'aise pour voir ton petit trésor, » dit-il en regardant Eugénie. « Petit, ma foi, non. Tu possèdes valeur intrinsèque 5 959 francs et 40 de ce matin. » « Cela fait 6 000 francs moins un. Eh bien, je te donnerai, moi, ce franc pour compléter la somme, parce que, vois-tu, fifille, eh bien, pourquoi nous écoutes-tu ? Montre-moi tes talons. Nanon va te faire ton ouvrage, » dit le bonhomme. Nanon disparut. « Écoute, Eugénie, il faut que tu me donnes ton or. « Tu ne le refuseras pas à ton pépère, ma petite fille, hein ?» Les deux femmes étaient muettes. « Je n'ai plus d'or, moi. J'en avais, je n'en ai plus. Je te rendrai 6 000 francs en livres, et tu vas les placer comme je vais te le dire. Il ne faut plus penser aux 12 ans. Quand je te marierai, ce qui sera bientôt, je te trouverai un futur qui pourra t'offrir le plus beau 12 dont on n'aura jamais parlé dans la province. Écoute donc, fifille, il se présente une belle occasion. Tu peux mettre tes 6 000 francs dans le gouvernement et tu en auras tous les 6 mois près de 200 francs d'intérêt, sans impôt, ni réparation, ni grêle, ni gelée, ni marée, ni rien de ce qui tracasse les revenus. Tu répugnes peut-être à te séparer de ton or, hein, fifille ? Apporte-le-moi tout de même. Je te ramasserai des pièces d'or, des hollandaises, des portugaises, des roupies du Mogol, des génovines. Et, avec celles que je te donnerai à tes fêtes, en 3 ans, tu auras rétabli la moitié de ton joli petit trésor en or. Que dis-tu, fifille? Lève donc le nez, allons, va le chercher, le mignon. Tu devrais me baiser les yeux pour te dire ainsi des secrets et des mystères de la vie et de mort pour les écus. Vraiment, les écus vivent et grouillent comme des hommes, ça va, ça vient, ça sue, ça produit. » Eugénie se leva, mais après avoir fait quelques pas vers la porte, elle se retourna brusquement, regarda son père en face et lui dit « Je n'ai plus mon or !»« Tu n'as plus ton or !» s'écria Grandet en se dressant sur ses jarrets comme un cheval qui entend tirer le canon à 10 pas de lui. « Non, je ne l'ai plus. »« Tu te trompes, Eugénie. »« Non, par la serpette de mon père !» Quand le tonnelier jurait ainsi, les planchers tremblaient. « Bon saint bon Dieu !»« Voilà madame qui pâlit !» cria Nanon. « Grandet, ta colère me fera mourir !» dit la pauvre femme. « Ta ta ta, vous autres, vous ne mourrez jamais dans votre famille. »« Eugénie, qu'avez-vous fait de vos pièces ?» cria-t-il en fondant sur elle. « Monsieur !» dit la fille aux genoux de madame Grandet. « Ma mère souffre beaucoup. Voyez, ne la tuez pas !» Grandet fut épouvanté de la pâleur répandue sur le teint de sa femme, naguère si jaune. « Nanon, venez m'aider à me coucher !» dit la mère d'une voix faible. « Je meurs !» Aussitôt Nanon donna le bras à sa maîtresse, autant en fit Eugénie, et ce ne fut pas sans des peines infinies qu'elles purent la monter chez elle, car elle tombait en défaillance de marche en marche. Grandet resta seul. Néanmoins, quelques moments après, il monta 7 ou 8 marches et cria. « Eugénie, quand votre mère sera couchée, vous descendrez. Oui, mon père. » Elle ne tarda pas à venir, après avoir rassuré sa mère. « Ma fille, » lui dit Grandet, « vous allez me dire où est votre trésor. » « Mon père, si vous me faites des présents dont je ne sois pas entièrement maîtresse, reprenez-les, » répondit froidement Eugénie en cherchant le Napoléon sur la cheminée et en le lui présentant. Grandet saisit vivement le Napoléon et le coula dans son gousset. « Je crois bien que je ne te donnerai plus rien, pas seulement ça, » fit-il en faisant claquer l'ongle de son pouce sous sa maîtresse dent. « Vous méprisez donc votre père, vous n'avez donc pas confiance en lui, vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un père. S'il n'est pas tout pour vous, il n'est rien. Où est votre or ?»« Mon père, je vous aime et vous respecte malgré votre colère, mais je vous ferai fort humblement observer que j'ai 22 ans. Vous m'avez assez souvent dit que je suis majeur pour que je le sache. » J'ai fait de mon argent ce qu'il m'a plu d'en faire, et soyez sûr qu'il est bien placé. Où ? C'est un secret inviolable, dit-elle. N'avez-vous pas vos secrets ? Ne suis-je pas le chef de ma famille ? Ne puis-je avoir mes affaires ? C'est aussi mon affaire. Cette affaire doit être mauvaise, si vous ne pouvez pas la dire à votre père, mademoiselle Grandet. Elle est excellente, et je ne puis la dire à mon père. Au moins, « quand avez-vous donné votre or ?» Eugénie fit un signe de tête négatif. « Vous l'aviez encore le jour de votre fête, hein ?» Eugénie, devenue aussi rusée par amour que son père l'était par avarice, réitéra le même signe de tête. « Mais on n'a jamais vu pareil entêtement, ni vol pareil !» dit Grandet d'une voix qui alla crescendo et qui fit graduellement retentir la maison. « Comment, ici, dans ma propre maison, chez moi, quelqu'un aura pris ton or, le seul or qu'il y avait, et je ne saurais pas qui ? L'or est une chose chère. Les plus honnêtes filles peuvent faire des fautes, donner je ne sais quoi, cela se voit chez les grands seigneurs et même chez les bourgeois. Mais donner de l'or, car vous l'avez donné à quelqu'un, hein ?» Eugénie fut impassible. A-t-on vu pareille fille? Est-ce moi qui suis votre père? Si vous l'avez placé, vous avez un reçu. Étais-je libre, oui ou non, d'en faire ce que bon me semblait? Était-ce à moi? Mais tu es une enfant majeure. Abasourdi par la logique de sa fille, Grandet pâlit, trépigna, jura. Puis, trouva enfin des paroles, il cria. Maudit serpent de fille, ah, mauvaise graine! Tu sais bien que je t'aime, et tu en abuses. Elle égorge son père. Pardieu, tu auras jeté notre fortune au pied de ce va-nu-pied qui a des bottes de maroquin. Par la serpette de mon père, je ne peux pas te déshériter, nom d'un tonneau. Mais je te maudis, toi, ton cousin et tes enfants. Tu ne verras rien arriver de bon de tout cela, entends-tu? Si c'était à Charles que... Mais non, ce n'est pas possible. Quoi? Ce méchant Mirliflor m'aurait dévalisé? Il regarda sa fille, qui restait muette et froide. Elle ne bougera pas, elle ne sourcillera pas, elle est plus grandée que je ne suis grandée. Tu n'as pas donné ton or pour rien, au moins. Voyons, dis! Eugénie regarda son père en lui jetant un regard ironique qui l'offensa. Eugénie, vous êtes chez moi, chez votre père. Vous devez, pour y rester, vous soumettre à ses ordres. Les prêtres vous ordonnent de m'obéir. Eugénie baissa la tête. Vous m'offensez dans ce que j'ai de plus cher, reprit-il. Je ne veux vous voir que soumise. Allez dans votre chambre. Vous y demeurerez jusqu'à ce que je vous permette d'en sortir. Nanon vous y portera du pain et de l'eau. Vous m'avez entendu? Marchez! Eugénie fondit en larmes et se sauva près de sa mère. Après avoir fait un certain nombre de fois le tour de son jardin dans la neige, sans s'apercevoir du froid, Grandet se douta que sa fille devait être chez sa femme. Et, charmé de la prendre en contravention à ses ordres, il grimpa les escaliers avec l'agilité d'un chat et apparut dans la chambre de Madame Grandet au moment où elle caressait les cheveux d'Eugénie dont le visage était plongé dans le sein maternel. « Console-toi, ma pauvre enfant, ton père s'apaisera. »« Elle n'a plus de père, » dit le tonnelier. « Est-ce bien vous et moi, Madame Grandet, qui avons fait une fille désobéissante comme l'est celle-là ? Jolie éducation et religieuse surtout. Eh bien, vous n'êtes pas dans votre chambre ? Allons, en prison, mademoiselle. Voulez-vous me priver de ma fille, monsieur ? Dit Madame Grandet en montrant un visage rougi par la fièvre. Si vous la voulez garder, emportez-la. Videz-moi toutes deux la maison. Tonnerre ! Où est l'or ? Qu'est devenu l'or ? Eugénie se leva, lança un regard d'orgueil sur son père et rentra dans sa chambre à laquelle le bonhomme donna un tour de clé. « Nanon ! » cria-t-il. « Éteins le feu dans la salle !» Et il vint s'asseoir sur un fauteuil au coin de la cheminée de sa femme en lui disant. « Elle l'a donné sans doute à ce misérable séducteur de Charles qui n'en voulait qu'à notre argent. » Madame Grandet trouva dans le danger qui menaçait sa fille et, dans son sentiment pour elle, assez de force pour demeurer en apparence froide, muette et sourde. « Je ne savais rien de tout ceci, » répondit-elle en se tournant du côté de la ruelle du lit pour ne pas subir les regards étincelants de son mari. « Je souffre tant de votre violence que, si j'en crois mes pressentiments, je ne sortirai d'ici que les pieds en avant. Vous auriez dû m'épargner en ce moment, monsieur. Moi qui ne vous ai jamais causé de chagrin, du moins, je le pense. Votre fille vous aime, je la crois innocente autant que l'enfant qui naît. Ainsi, ne lui faites pas de peine. Révoquez votre arrêt. Le froid est bien vif. Vous pouvez être cause de quelque grave maladie. Je ne la verrai ni ne lui parlerai. Elle restera dans sa chambre, au pain et à l'eau, jusqu'à ce qu'elle ait satisfait son père. Que diable ! Un chef de famille doit savoir où va l'or de sa maison. Elle possédait les seules roupies qui fussent en France, peut-être, puis des Génovines, des Ducats de Hollande. Monsieur, Eugénie est notre unique enfant, et quand même elle les aurait jetés à l'eau. À l'eau ? Cria le bonhomme. À l'eau ? Vous êtes folle, madame Grandet. Ce que j'ai dit est dit, vous le savez. Si vous voulez avoir la paix au logis, confessez votre fille. Tirez-lui les vers du nez. Les femmes s'entendent mieux entre elles à ça que nous autres. Quoi qu'elle ait pu faire, je ne la mangerai point. A-t-elle peur de moi? Quand elle aurait donné son cousin de la tête aux pieds? Il est en pleine mer. Nous ne pouvons pas courir après. Eh bien, monsieur, excité par la crise nerveuse où elle se trouvait, ou par le malheur de sa fille qui développait sa tendresse et son intelligence, la perspicacité de madame Grandet lui fit apercevoir un mouvement terrible dans la loupe de son mari au moment où elle répondait. Elle changea d'idée sans changer de ton. « Eh bien, monsieur, ai-je plus d'empire sur elle que vous n'en avez ? Elle ne m'a rien dit. Elle tient de vous. » Tudieu, comme vous avez la langue pendue ce matin. Tata, vous me narguez, je crois. Vous vous entendrez peut-être avec elle. » Il regarda sa femme fixement. « En vérité, monsieur Grandet, si vous voulez me tuer, vous n'avez qu'à continuer ainsi. Je vous le dis, monsieur, et dût-il m'en coûter la vie, je vous le répéterai encore. Vous avez tort envers votre fille. » Elle est plus raisonnable que vous ne l'êtes. Cet argent lui appartenait, elle n'a pu qu'en faire un bel usage, et Dieu seul a le droit de connaître nos bonnes œuvres. Monsieur, je vous en supplie, rendez vos bonnes grâces à Eugénie. Vous amoindrirez ainsi l'effet du coup que m'a porté votre colère, et vous me sauverez peut-être la vie. Ma fille, monsieur, rendez-moi ma fille. Je décampe, dit-il. Ma maison n'est pas tenable. La mère et la fille raisonnent et parlent comme si... Bouh, pois! Vous m'avez donné de cruelles étrennes, Eugénie, cria-t-il. Oui, oui, pleurez. Ce que vous faites vous causera des remords, entendez-vous? À quoi donc vous sert de manger le bon Dieu 6 fois tous les 3 mois si vous donnez l'or de votre père en cachette à un fainéant qui vous dévorera votre cœur quand vous n'aurez plus que ça à lui prêter? Vous verrez ce que vaut votre Charles avec ses bottes de maroquin et son air de ne pas y toucher. Il n'a ni cœur, ni âme, puisqu'il ose emporter le trésor d'une pauvre fille sans l'agrément de ses parents. Fin de la 8e partie.